Section 4. De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 7-8. Chapitre 7. La promenade. Le soleil levant essayait en vain d'égayer Pontorson. La ville aux maisons grises et revêches. Le soleil souriait tout seul. Pontorson restait d'humeur sérieuse, avec ses pignons pointus, ses toits escarpés et les fantasques découpures de ses girouettes. Toutes les fenêtres étaient encore fermées, ainsi que les portes de l'enceinte. Le soleil se dédommageait en dorant joyeusement les coteaux environnants et les belles moissons normandes sur la rive droite du Couesnon que la mer haute mettait au plein de ses bords. La plaine présentait un singulier spectacle. Les tentes et baraques étaient encore en place, mais âmes qui vivent ne se montraient alentour. La fête dormait. Les cuisines foraines, éteintes, laissaient leurs fourneaux et leurs marmites à la garde de la foi publique. Les étalages des marchands merciers, quincaillers et bimbelotiers, avaient pour garnison quelques gros chiens à la chaîne ou quelques enfants accroupis, la tête entre ses mains. Le tableau de l'enlèvement des Sabines, le tableau de Roland tête d'âne et d'autres tableaux moins célèbres déroulaient au vent leurs haillons chargés de couleurs violentes. Hélas, parmi tous ces tableaux, le plus beau et le plus neuf manquait, celui où l'infortuné Rémy avait fait peindre l'ogre des îles dévorant un petit enfant. Un emplacement noir où la brise faisait tourbillonner la cendre, voilà tout ce qui restait de la plus brillante et de la plus courue de toutes les baraques. Ainsi passe le succès. Peut-être aurait-on eu de la peine à retrouver le lieu où s'élevait hier le théâtre à la mode, sans un pieu fiché en terre et portant un écriteau avec ces mots insolents « Justice du comte Otto Beringhem ». Ceci était le comble. Le duc François savait-il qu'en son pays de Bretagne, à quelques pas de la bannière d'Hermine, déployée et montrant fièrement sa devise, le païen allemand affichait hautement ses méfaits? Barques et vaisseaux ne manquaient point, Dieu merci, dans le bon port de Saint-Malo. Si le riche duc ne savait pas, il allait savoir. Malheur aux mécréants. Mais que parlons-nous de vaisseaux? Il n'était pas besoin de vaisseaux. Après avoir allumé des torches incendiaires, le comte Otto ne s'était pas enfui vers sa retraite inaccessible. Sa tante, coquette et resplendissante, n'avait pas changé de place. Elle restait là, sur la rive même du Couesnon, faisant honte à la tante du riche duc et à la tante du roi de France. Le Couesnon se pouvait traverser à marée basse pour peu qu'on n'eût point frayeur de se mouiller les chevilles. S'ils craignaient l'eau, les barons de François de Bretagne n'avaient qu'à monter à cheval. Sans doute cette journée qui commençait allait voir une bataille. Elle commençait bien. En terre ferme, le brouillard fuyait déjà devant la brise qui portait vers les grèves. Du côté de la mer, la brume s'épaississait au contraire, pronostiquant un jour chaud et sec. Le ciel était bleu, quelques nuages légers formaient de longues raies de couleur rose à l'orient, tandis que le couchant, pareillement marqué, montrait à l'horizon des bandes d'un gris neutre qui se confondaient avec les vapeurs terrestres. La porte de l'hôtel de ville du Déron s'ouvrit et se referma sur Aubry de Kergariou et sur Messire Olivier. Ils étaient seuls. Ils prirent le galop tout de suite et s'enfoncèrent dans la campagne. Leur course semblait se diriger au hasard. Ils gravirent tout d'un temps la colline qui est à une demi-heure de la ville, sur la route de Saint-Georges de Créaigne. Arrivé là, Messire Olivier arrêta son cheval. La colline est haute, la vue s'y étend de toutes parts depuis le Mont-Dol, qu'on aperçoit au loin dans les terres du côté de l'ouest, jusqu'aux grèves qui sont au nord et qui festonnent la rive normande en descendant vers l'orient. En ce pays, le mont Saint-Michel se voit de partout. Nous avons décrit ailleurs ce bizarre et féerique aspect auquel les riverains normands et bretons ne prêtent qu'une attention médiocre, mais qui arrête tout court le voyageur émerveillé. Le mont Saint-Michel jaillissait de la brume comme une immense et sombre nef qui voguerait sur une mer d'argent. Au moment où Aubry et Messire Olivier atteignaient le sommet de la colline, le brouillard étendait sur les grèves et sur la mer son grand voile qui absorbait les rayons obliques du soleil. Le mont, dont la tête passait au-dessus du niveau, recevait d'aplomb la lumière sur ses faces exposées au levant, tandis que les parties qui regardaient l'occident restaient dans le noir, aux positions doubles, en ombre et en lumière, au fond neutre de l'océan de vapeur. Malgré la distance et par l'effet d'optique si commun sur les grèves, les bâtiments du monastère, éclairés ainsi à revers pour Aubry et Olivier, se dessinaient avec une netteté miraculeuse. On eût dit une de ces fines découpures que la dévotion si belle de ce siècle collait dans les livres d'heures. La merveille, ce hardi chef-d'œuvre, s'élançait au-dessus des cloîtres, soutenant le campanile svelte, au faîte duquel la statue d'or de l'archange semblait une étoile brillante égarée en plein jour dans le ciel. Nos deux gentilshommes restèrent plusieurs minutes en contemplation devant ce tableau imprévu. « C'est beau, » dit Aubry. « Comme peuvent être beaux, » répliqua messire Olivier, « les essais naïfs de notre art si vieux mais toujours en enfance. J'ai vu les ruines d'Athènes et les ruines de Memphis. J'ai vu les hautes pyramides qui dominent le désert égyptien, comme ce rocher domine la solitude de vos grèves. Une fois, je me suis arrêté dans une plaine d'Assyrie, le cœur ému et le front mouillé. Devant moi était le cadavre de Ninive. C'est beau, dites-vous. Le soleil éclaire aussi, et avec plus d'orgueil, les terrasses blanches de Palmyre. À l'autre extrémité de votre Bretagne, Pinmar a des rochers plus noirs et plus terribles. C'est beau, parce que tout est beau qui est vaste, la mer et la brume sans bornes, les sables mortels, le désert, le ciel, la grandeur fait la beauté. Les portiques des lions qui baignent dans le flot le socle précieux de leurs colonnes sont plus beaux que cela. N'admirez pas avant d'avoir comparé, mon jeune maître. Le monde est long et large, savez-vous. Le mirage renverse les objets. Un jour de mirage, j'ai vu votre archange d'or terrassé à son tour sous le dragon vainqueur. Le dragon est d'or comme l'archange, et comme l'archange, il a des ailes. Aubry écoutait laborieusement, il cherchait le sens de cet obscur langage. Quand même les paroles de messire Olivier n'eussent point eu de sens, Aubry aurait encore écouté avec respect. Il était subjugué. Cet homme faisait vibrer en lui avec violence la fibre de révolte qui est au cœur de tous les enfants. Messire Olivier se remit en marche au pas pour descendre la colline. « Croyez-vous au présage ? » reprit-il en se retournant brusquement vers Aubry. Et avant que celui-ci eût répondu, il étendit la main dans la direction du Mont-Saint-Michel. Soit que le brouillard gagnât, soit que ce fût l'effet naturel de la pente qu'il suivait, le Mont-Saint-Michel, avec son audacieuse échelle d'édifice, disparaissait lentement dans la brume. Les éperons d'or de messire Olivier touchèrent les flancs de son cheval. Au bout de quelques minutes, nos deux compagnons entrèrent dans cette mer de vapeur qui couvrait encore toute la vallée. Aubry ne connaissait pas parfaitement le pays. Il suivait son guide et restait sans défiance. Du pas dont ils allaient, ils devaient se rapprocher bientôt du village de Rose-sur-Couesnon, qui est le dernier clocher avant les grèves. Messire Olivier montait un magnifique cheval noir, sans tache. Au début de la promenade, Aubry, suivant à la rigueur les leçons du bon écuyer Jeannin, tenait droit en selle et semblait continuer son cours d'équitation. Il avait espéré un compliment de messire Olivier. Celui-ci, cavalier accompli, mais capricieux en sa méthode, se laissait aller nonchalamment au mouvement du cheval. Aubry, voyant qu'on ne voulait point remarquer son irréprochable tenue, étudia la pose de son compagnon. Incontinent, il admira cette mollesse fière et gracieuse que le bon Jeannin n'avait pu lui enseigner. Il se tint en arrière, il tâcha de copier. Comme il était jeune et bien exercé, il réussit à peu près. Dès qu'il se crut en mesure, il poussa son cheval et prit les devants, afin de s'abandonner sur la selle à son tour et de se balancer paresseusement. Messire Olivier eut un sourire qu'Aubry ne vit point. « Vous avez une façon particulière de gouverner votre monture, » dit-il. « J'ai vu bien des cavaliers depuis que me voici de retour en Europe. Je n'en ai point rencontré de plus parfait que vous. » Aubry se rengorgea. « Vous trouvez, mon cher sire, » dit-il négligemment. « Les dames sont de mon opinion à ce qu'il paraît, » poursuivit Olivier. « J'ai surpris hier plus d'un regard. »« Fi !» interrompit Aubry, déjà rouge de plaisir. « Vous voulez me railler, mon cher sire. »« Et pourquoi cela ? Vous êtes jeune, noble, vaillant. Vous avez la beauté du corps et du visage, qui vaut mieux à elle seule que vaillance et noblesse réunies. Mon compagnon, vous avez dû faire naître bien des rêveries. »« Point, mon cher sire, » répliqua Aubry, dont l'orgueil triomphant daignait faire de la modestie. « Je vis près de ma mère bien honorée au manoir du Rose, si j'avais comme vous parcouru le monde. » Vous êtes discret, mais moi je suis clairvoyant. Ce que vous ne voulez point dire, je l'ai deviné. Qu'avez-vous deviné, mon compagnon? Qu'auriez-vous besoin d'aller au loin? Vous êtes ici, au pays breton, dans une parterre de beauté. Eh bien, c'est vrai, j'ai choisi. Pourquoi choisir? Demanda messire Olivier froidement. L'une des deux au moins m'a choisi d'elle-même, murmura Aubry, en qui s'exhalait la vanité implacable des 18 ans. Mais un chevalier ne peut avoir qu'un amour. D'où vient cette loi? De Dieu. Et d'où vient Dieu? Aubry garda un silence épouvanté. Au-dedans de son cœur, une voix lui conseillait de fuir. « Dieu, répondit-il pourtant, vient de Dieu. Il est celui qui est. »« Voir, dit le baron d'Armois, qui se mit à rire. » Et comme Aubry ouvrait la bouche pour protester, il lui tendit la main bonnement. « Pourquoi je vous affectionne, mon jeune sire, dit-il tout à coup, je n'en sais rien. Je m'étais fait serment à moi-même de ne jamais plus prendre la peine de combattre l'erreur, ce bâillon, ce bandeau, qui étouffe et aveugle l'homme timide. Mais vous voici devant moi, si jeune, si beau, si fier, et si trompé, que ma résolution faiblit encore une fois. Il faut que vous m'écoutiez. L'heure me presse, mes paroles seront comptées. » Tout en parlant, il semblait s'orienter au bruit lointain de la mer. Les chevaux marchaient sur ce terrain marneux, coupé de flaques d'eau salée, qui sépare la terre ferme des sables de la grande grève. Aubry le regarda. Pour la seconde fois, il eut la pensée de fuir. C'était son bon ange qui lui soufflait cette pensée. Mais la voix de messire Olivier pénétrait au vif de lui, comme eût fait le tranchant d'un glaive. Les yeux ardents de messire Olivier le brûlaient. Le bon ange se tut. Aubry, subjugué, dit « J'écoute ». Messire Olivier parla longtemps. Quand il s'arrêta, Aubry eut pour la troisième et dernière fois l'idée de fuir, mais messire Olivier, le sarcasme à la bouche, dit « Ces choses effraient les enfants ». Les enfants ! Ce fut comme le coup d'éperon au flanc du poulain ombrageux. « J'ai soif !» dit Aubry. Messire Olivier lui tendit sa gourde, et Aubry l'approcha à ses lèvres. Dès qu'il eut bu, son visage changea. « Par le ciel, s'écria-t-il, ces choses qui effraient les enfants doivent être bien belles. Je veux les voir. » Messire Olivier se dressa sur ses étriers. Aubry pensa en ce moment qu'il avait deux fois la taille d'un homme. Messire Olivier, debout sur son cheval, immobile, étendit la main vers la mer dans l'attitude du commandement. « Aïram » prononça-t-il d'une voix impérieuse. « Où est Hélion ?» Un bruit sourd et profond se fit, le brouillard déchira ses voiles avec lenteur, la mer se montra unie comme une glace, et dans ce miroir immense, une plage enchantée se refléta, déroulant ses pelouses fleuries, ses bouquets ombreux, ses villas de marbre cachées à demi derrière le feuillage. Aubry poussa un cri d'admiration et mit sa main au-devant de ses yeux éblouis. Messire Olivier dit « Ceci appartient à l'homme qui a le cœur assez large pour contenir toutes les passions de la terre, et l'esprit assez haut pour nier Dieu. »« Et qui est cet homme-là » demanda Aubry. Messire Olivier répondit « Si tu veux, ce sera toi. » Chapitre 8 Conseil ducal. Le duc François était à boire. Il aimait cela, le père de la reine Anne. Quand il avait bu assez, mais pas trop, c'était un prince sage et de bon conseil. La veille, nous n'avons vu que sa tente ducale sur la rive gauche du Couesnon, mais la nuit avait été bien employée. Au matin, nous trouvons tout un petit camp autour de la tente principale. Le voisinage de Louis de France avait donné à réfléchir à François de Bretagne. Du reste, quelque chose d'analogue s'était passé sur la rive normande. Le roi de France aussi avait pris frayeur du voisinage de son puissant vassal, car une douzaine de tentes entouraient maintenant la sienne. En somme, c'était la moindre suite que put avoir Louis de Valois, et personne assurément ne pouvait s'étonner de ce surcroît. Le duc François tenait table et conseil avec le sire de Goulaine, son sénéchal Émery de Rieux, seigneur d'Ouessant, Jean de Pleuc, capitaine de la garde nantaise, monsieur Tanguy de Chastel, le sire de Couëtquen, Guéhenneuc de Bruc, René de Chateaubriand, René de Couëtlogon et Jean, comte de Dunois. Le duc François était jeune. Autour de lui, Tanguy du Chastel et Dunois avaient seuls la barbe grise. Les autres, Goulen, Quedlogon, Rieux, Dubruc et de Pleuc, Quedquen et Chateaubriand, étaient de brillants soldats, orgueil de cette cour galante et riche qui n'avait alors de rival que la cour de Charles de Bourgogne. Jean de Pleuc, surtout, beau, fier, vaillant comme tous ceux de sa race, eût cherché vainement sous les tentes françaises un chevalier qui pût lui disputer le regard des dames. Louis XI avait à l'occasion déployé un faste royal, et les historiens sages lui reprochent amèrement le luxe de ses représentations diplomatiques. Mais partout où il était de sa personne, le luxe et la lumière manquaient. C'était un prince de demi-jour, comme les coquettes qui prennent de l'âge, et malgré ses dépenses excessives, c'était quand l'orgueil ou l'intérêt ne le talonnait point, un roi de bout de chandelle. Ces rois n'ont pas de cour. Ce Jeannin n'était-il pas écuyer de Kergariou ? Demanda François à Quedquen, qui venait de parler. S'il vous plaît, monseigneur, répondit Quedquen, ce Jeannin est encore écuyer de Madame Reine, veuve de notre noble compagnon et frère d'armes, Aubry, mort en défendant la bannière d'Hermine. Je me souviens de cet Aubry belle lance, mais je me souviens aussi de Jeannin, que je vis plus d'une fois en mon château de Nantes. Il faut avoir foi en ses paroles, d'autant plus qu'elles incriminent la loyauté de notre sire le roi de France, loyauté qu'on ne peut dire suspecte, à moins d'outrer la courtoisie. Jeannin a-t-il quelque renseignement nouveau sur le maléfice que doit nous jeter l'ogre des îles ? Le maléfice, répliqua Quedquen, pourrait bien consister en quelques gouttes de poison versées adroitement dans votre verre. Le duc but une large rasade. Ou bien, poursuivit Quedquen, en un coup de dague porté au défaut de votre cuirasse. Vous êtes autour de moi, messire, mes fidèles amis, dit le duc, je ne crains que la volonté de Dieu. Monseigneur, reprit Quedquen, ce Jeannin est dans ma tente, il attend des nouvelles. Quand ces nouvelles seront venues, pourra-t-il être introduit auprès de votre Altesse ? Tout le monde l'a vu ici à la bataille, répondit le duc. On l'introduira. Continuons, je vous prie, à raisonner sur les événements. J'ai refusé l'ordre de Saint-Michel parce que les statuts de cet ordre limitent mon droit de souverain et enchaînent mon libre vouloir. Le roi se vengera de mon refus. Voyons les choses au pis, comme il faut faire, avant d'avoir sur les yeux le bandeau de l'agonie. Supposons que la Bretagne chancelante est à tomber. Mais sire, je me sens ferme sur mes jambes et ne parle que par hypothèse. De quel côté, pour le bien de nos peuples, faudrait-il diriger notre chute ? Chateaubriand, Pleuc, Goulen, tous les jeunes gens gardèrent le silence avec un orgueilleux sourire. Ils n'admettaient pas l'hypothèse. Pourquoi prévoir la chute ? Le duc Pierre ou le duc Jean ne se seraient pas demandé d'avance s'il faudrait tomber à droite ou à gauche. Il n'y a qu'une manière de tomber pour un souverain, face à l'ennemi, droit et mort. Les jeunes gens avaient raison et tort, raison en principe, tort sur le fait. Étant donné le duc François, il fallait songer à la chute possible. À gauche l'Anglais, à droite la France. Deux grands pays, entre lesquels la Petite-Bretagne, pressée, ne se défendait guère que par la loi de l'équilibre. Le vieux Tanguy du Chastel attachait sur François un regard triste et calme. Il fut un temps où la Bretagne et la France ne formaient qu'une seule et même contrée, dit-il. Je ne sais si cela était bon, je sais que ce qui a été peut être encore. Ce qui ne se peut, c'est la Bretagne anglaise. On ne jette pas un pont sur l'océan. Le vassal gardé contre son maître par l'océan est un vassal heureux, objecta Dunois, qui tenait rancune à la France. Vos frères sont au pays de Galles. Le roi Édouard a des millions de sujets qui ont votre langue, vos jeux, votre origine. Ne vous donnez jamais au roi Louis, justement parce que le Couesnon est guéable. Ne vous donnez à personne, monseigneur, s'écria Jean de Pleuc. Monsieur Tanguy, notre glorieux modèle, et Dunois, le miroir de la chevalerie, ont été jeunes. Monsieur Tanguy a vu souvent si nos lances de Bretagne sont moins longues que les lances normandes ou poitevines. Dunois a-t-il oublié Paris, Orléans et le bûcher de la Pucelle ? Dunois ne se souvient-il plus des grands coups d'épée qui le feront vivre dans l'histoire ? Ni M. Tanguy ni Dunois n'eussent parlé de la sorte avant d'avoir la tête blanche. Le duc François but un grand verre pour ponctuer d'autant le discours de Jean de Pleuc, qui était son favori. « Il y a du bon, pourtant, murmura-t-il, dans ce qu'a dit le sire du Chastel et dans ce qu'a dit notre cousin Dunois. » Ceux-ci avaient rendu la main tous les deux à Jean de Pleuc. Tu as bien parlé, mon neveu, fit le vieux Tanguy. S'il reste beaucoup de Bretons comme toi, que Monseigneur le Duc suive ton conseil. Et de par Notre-Dame, ajouta Dunois, nous l'y aiderons de notre mieux. Sans se donner, opina Couette-Couenne, on peut contracter alliance, le cas échéant, avec l'Anglais contre le Français, avec le Français contre l'Anglais. Couette-Couenne était seigneur de Combourg. Combourg est tout près des frontières de la Normandie. Dunois secoua la tête. Il y avait une fois, dit-il, deux voisins qui volontiers bataillaient. Leurs portes se touchaient en la ville d'Étampes. Entre leurs portes était un vert bâton de houx pour chasser les vagabonds pillards et les chiens errants, suspects de mal rage. Quand les deux voisins en venaient aux mains, le bâton servait tantôt à Jacques, tantôt à Pierre. Pierre et Jacques portaient tous deux de ces marques sur le corps. Un beau jour, ils burent ensemble au coin du feu. « Savez-vous ce qu'on prit pour allumer la flambée ?» Ce fut le bâton de houx. « Et vous pensez, mon cousin, demanda le duc François, sans oublier de boire un coup, que l'Anglais et le Français, réconciliés par la fortune, nous garderaient le sort du bâton de houx ?»« Je le pense, » répliqua Dunois. « Eh bien, reprit Jean de Pleuc, si nous sommes trop petits, grandissons. Nous sommes les Celtes, refaisons la Gaule celtique, et repoussons les Francs jusqu'à leur île de France, où leur roi s'appellera encore une fois le roi de Paris. Prenons la Normandie jusqu'au cours de la Seine, le Maine, l'Anjou, passons la Loire, Bretonne par son embouchure. Envahissons le Poitou et l'Angoumois jusqu'aux rives de la Charente. L'Anglais sera notre voisin en Guyenne. Vers l'Est, traçons nos frontières au travers des pays de Chartres, d'Orléans et de Bourges. Le roi Gralon eut conquis ce pays sans le crime de sa fille. Que notre duc ferme sa couronne élargie et qu'il soit roi entre deux rois. François ne put moins faire que de boire. Monsieur Tanguy et Dunois souriaient. Châteaubriand, Coadlogon, Rieux, Bruc et Goulaine avaient leurs épées qui les démangeaient. La draperie qui fermait la tente se souleva, et la Hennec, le sergent d'armes, annonça que Maître Jeannin, écuyer de Kergariou, avait reçu le message qui l'attendait. « Qu'il entre !» cria le duc. « C'est que, dit la Hennec, il n'est pas seul. Le nain Fierabras, fou du sire de Couette-Couenne, ici présent, l'accompagne. « Ah ah !» fit Couette-Couenne. « Voici deux jours entiers que je n'ai vu mon larrey noir. Il ne sera pas fouetté puisqu'il agissait, à ce que je vois, pour le service de Monseigneur le Duc. » « Que le fou entre avec l'écuyer, » ordonna le duc, qui ne perdit point cette bonne occasion de boire une moyenne rasade. Jeannin fut introduit, il tenait par la main Fierabras larrey noir, et le nain lui disait « Ne sois pas interdit, mon oncle, tu vaux ces gens-là, je te l'affirme, et d'ailleurs, tu es avec un gentilhomme. » Fin de la section 4.